de Ulysse Travel. Bonjour, je m'appelle Alexis, bienvenue sur Radio Quartier Libre. Je reçois aujourd'hui un invité. Oui, bonjour, je suis Célestin Humeau, j'habite à Lomézé, en direction Montmorillon, Poitiers-Montmorillon, à mi-chemin, et je fais partie d'une association des Compagnons des Lourdines. Nous taillons la pierre ensemble avec Alexis. Depuis combien de temps es-tu dans l'association ? Alors moi, ça fait 12 ans et demi que je suis dans l'association. Pourquoi as-tu choisi cette association ? Alors, les Compagnons des Lourdines, c'est une association loi 1901, je crois que c'est ça, et qui rassemble une quinzaine d'adhérents. Nous n'avons pas spécialement de formation pour tailler la pierre ni pour sculpter, mais c'est une équipe de copains et on fait ça vraiment pour s'amuser parce qu'on aime ça, on aime la sculpture. Parce que j'ai toujours aimé l'art, voilà, la sculpture, la peinture. J'ai pas fait beaucoup d'études, mais je suis sorti de l'école à 13 ans, et puis je suis né dans une ferme, et là, on avait les devoirs obligatoires, c'est d'aller garder les vaches les jours de repos. Et pour m'occuper, eh bien, avec mon couteau, je ramassais une pierre dans le champ, et je sculptais. Dans quel cadre l'association a été créée ? Alors, l'association, je crois qu'elle a été créée pour à l'initiative de M. Charles Nicole, qui aimait beaucoup travailler la pierre. Et il a monté cette association à Migny-aux-Ans en premier temps. Et ils ont créé un monument justement sur le rond-point de Migny-aux-Ans. Combien coûte une licence ? Alors, il y a 15 euros d'inscription et oui, je crois que c'est 15 euros d'inscription et puis après 75 euros pour celui qui veut tailler la pierre, quoi. À partir de quel âge peut-on y rentrer ? Alors, c'est une quinzaine d'années, je crois, hein, parce que après plus jeune, c'est pas facile. Après, nous, si on a beaucoup d'enfants, on pourrait pas travailler nous-mêmes. On serait obligé de s'occuper des enfants. Combien il y a-t-il de membres ? Je crois que c'est 15. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. Amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés.